les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Faut-il brûler les dictionnaires? En voici une question, en voilà un projet. Et quel dictionnaire? Les dictionnaires de noms propres, totalement arbitraires? Les dictionnaires de cuisine? Qui critique les dictionnaires? L'émission Dialogue de Roger Piaudin posait cette question, faut-il brûler les dictionnaires, en 1976. Dans le studio 105 de la Maison de la Radio, après le dialogue entre deux spécialistes à différents titres, le public pouvait intervenir. Quelqu'un posa alors cette autre question. A-t-on le droit d'enfermer des mots dans une certaine définition? Bref, ne devait-on pas critiquer la vertu normative des dictionnaires? Ces dictionnaires, très forts en archaïsme plutôt qu'en néologisme. Dialogue, première diffusion sur France Culture le 7 décembre 1976. Un doigt doucement pointa sur le bouton du pointard. Aussitôt il est tombé un objet sur le point B. Le point B s'est empressé d'effacer son voisin C. C'est sur l'heure à bombarder avant de s'éteindre D. Presque mort mais dangereux, D s'est retourné sur eux. E du fin fond de son fief prend le fer et défie FF. Bafoué s'est vengé en arrangeant le point G. J'ai à couper à la hache tout ce qui dépasse en hache. Alphabet, alphabet. Faut-il brûler les dictionnaires? Paul Robert, auteur du monumental dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française qui fut en son temps et dès ses premiers fascicules couronné par l'Académie française, et Bernard Potier, professeur à l'Université de Paris 4, directeur scientifique en ce qui concerne les sciences humaines au Centre national de la recherche scientifique et actuellement chargé de conférences à l'École pratique des hautes études en ce qui concerne les langues indigènes d'Amérique latine, vont dialoguer sur ce thème. J'ajoute que le dernier ouvrage de Bernard Potier est un traité de linguistique générale, théorie et description, publié chez Klingsic en 1974. Faut-il brûler les dictionnaires, Paul Robert? Je crois que la question doit avoir quelque chose qui peut vous horrifier. Eh bien, je dois vous dire qu'en lisant le titre de cette émission de ce soir, c'était un peu me brûler moi-même, brûler la moitié de ma vie, et peut-être le reste de ma vie, si Dieu me prête vie, c'était également condamner au chômage quelques-uns de mes collaborateurs qui se trouvent ici, au chômage intellectuel, moral, car, vous le savez, Littré disait « Mes amis, surtout, ne faites pas de dictionnaire », mais en définitive, l'art du dictionnaire n'est pas si triste que Littré voulait bien le dire, et notre ami Bernard Potier, qui a collaboré pendant près d'une année au Grand Robert, pardonnez-moi d'employer moi-même ce terme devenu à peu près courant, j'aimerais lui demander s'il a conservé un bon souvenir de cette période passée à la lexicographie, alors qu'il est devenu aujourd'hui un grand lexicologue. Je crois que cette opposition est excellente. Je suis théoricien. Mais il est certain qu'il est bon de faire du terrain, et un séjour de quelques mois dans une entreprise qui était en voie de développement est extrêmement intéressant. Et souvent, je repense à cette époque lorsque je vais en quête de définition, d'explication, d'explicitation à travers la forêt de dictionnaires. Et je me suis aussi posé cette question, est-ce que vraiment il faut les brûler? De la façon suivante, est-ce qu'on aurait pu dire, faut-il brûler les grammaires? Puisque les deux outils de travail les plus usuels sont les grammaires et les dictionnaires. Bien, de mon point de vue, les dictionnaires sont beaucoup plus critiquables, c'est-à-dire beaucoup plus faciles à critiquer que les grammaires. En fait, si vous ouvrez une dizaine de grammaires, vous trouvez qu'elles se ressemblent fortement dans les faits exposés, peut-être pas dans les interprétations qui sont données, mais vous trouverez dans toutes les grammaires à peu près le même inventaire des catégories, des parties du discours et autre chose. Par contre, on n'a jamais vu deux dictionnaires qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, en dehors des cas de plagiat comme il y avait autrefois. Le dictionnaire, quel qu'il soit, ne peut pas coïncider avec la connaissance lexicale d'un individu francophone, alors que toutes les grammaires coïncident à peu près avec les connaissances grammaticales d'un individu, disons, moyennement cultivé. Et ceci pourquoi ? En fait, quand vous voyez un dictionnaire de poche de 100 pages ou 50 pages, eh bien, c'est peut-être ce que tout le monde sait, mais ce n'est pas l'entier de ce que chacun sait. Si je prends le grand Robert, évidemment, il y a un tas de choses que moi j'ignore et que chacun de nous ignore. Si l'on prend, mettons, le trésor de la langue française, c'est la même chose. Jamais vous ne trouverez un dictionnaire qui puisse correspondre à la connaissance d'un individu. Ou si vous voulez, vu les choses vues autrement, il n'y a pas deux individus qui aient les mêmes connaissances lexicales, alors que du côté grammatical, il y a beaucoup plus de coïncidences. Et je crois que c'est là une des difficultés que vous retrouverez certainement lorsque vous avez à choisir les entrées, retenir un mot ou ne pas retenir un mot. Je ne sais pas trop comment vous pouvez faire. Peut-être avez-vous une réponse à ce sujet. Paul Robert ? Effectivement, le vocabulaire de chacun d'entre nous est assez différent selon les professions et les milieux dans lesquels nous avons été élevés, de telle sorte que lorsque l'on dit, par exemple, qu'un honnête homme d'aujourd'hui emploie à peu près 5000 mots et que l'on considère qu'il en emploie quelques centaines ou quelques milliers d'autres selon sa profession, son orientation, et que un dictionnaire tel que le Petit Robert, par exemple, contient déjà 54 000 mots, et que le Grand Robert en contient peut-être 100 000, en y ajoutant les termes argotiques et populaires, qui ne sont pas nécessairement dans les entrées, on voit qu'il y a un décalage considérable entre un dictionnaire et les mots qu'emploie dans le langage courant le français de toute classe et de toute profession. Bernard Petier. Oui, en fait, quand on lit un hebdomadaire, si l'on prenait la peine de faire la liste de tous les mots employés, on serait effrayé de voir combien sont absents de l'ensemble, je dirais, des dictionnaires, même sans aller dans des domaines très spécialisés. Je me suis amusé l'autre jour, je lisais une revue de tout à fait de vulgarisation chimique, d'ailleurs je n'aurais pas été capable de lire autre chose, et il y avait de beaux petits dessins, et vous savez que j'aime bien la représentation visuelle des phénomènes linguistiques, avec des représentations de molécules chimiques. Et j'ai regardé celles qui commençaient par les lettres A ou B, car c'est celle que l'on trouve dans le gros TLF, et je me dis, au moins là, je vais trouver ces mots. Il y avait des mots tout à fait normaux d'aspect. Par exemple, le ou la, d'ailleurs je ne sais pas, cubane, c'est une molécule en forme de cube. Une molécule en forme de panier s'appelait le ou la basquetane, etc. Mm-hmm. Alors, on voit très bien la néologie, là c'est un terme très clair, eh bien, est-ce qu'un jour ces termes vont entrer dans un trésor ? Je crois qu'un dictionnaire ne pourra jamais courir derrière les mots, et on y reviendra certainement tout à l'heure, c'est ce qui va rendre nécessaire un emmagasinement progressif de la connaissance lexicale sans l'obligation de la mettre noir sur blanc, de la publier. Il va falloir une réserve, une banque de données, comme on dit maintenant, lexicale, que l'on pourra consulter à tout moment, et de laquelle il faudra retirer régulièrement les mots qui meurent. Car le dictionnaire est surtout cumulatif et il est beaucoup plus fort en archaïsme qu'en néologisme. Je dirais qu'il y a un équilibre qui est très difficile à trouver. Forcément. forcément. Je me sers d'un exemple pour illustrer ce que vous venez de dire. Il y a une famille de poissons, les acanthoptérygiens, qui contient des milliers d'espèces, et chaque espèce a naturellement son nom. Or, dans la liste des poissons que nous avons donnée dans le Grand Robert, nous ne trouvons que 700 poissons. Donc, il a fallu choisir parmi les poissons les plus connus. Mais sur les poissons, je peux vous interrompre parce que oui. Je me suis intéressé aux poissons dans le Robert et j'ai regardé la différence entre une sole et une limande. Parce que moi, citadin et non-pêcheur, je ne les reconnais pas toujours automatiquement. Alors voici ce que le Grand Robert dit de la sole. Poisson anacantinien, je ne le savais pas, plat, ovale, couvert d'écailles fines, qui vit sur les fonds sableux à proximité des côtes et dont la chair est très estimée. Ah, là j'ai retrouvé la sole. Et alors la limande, poisson de mer anacantinien, donc un frère jumeau, ovale et plat, à peau rugueuse. Mais vous ne dites pas si on mange la limande. Aha. Et quand je regarde un autre dictionnaire courant d'une grande maison d'édition, la sole est définie poisson de mer plat et ovale, on ne sait pas si on mange la sole. Par contre, la limande est définie poisson plat comestible de la Manche et de l'Atlantique. Donc, dans le Robert, la sole se mange, et dans l'autre dictionnaire, c'est la limande. Probablement parce que la sole est plus goûteuse, pour employer un mot provincial, que la limande passe pour une sole de second choix. Alors nous n'avons pas voulu la recommander aux consommateurs. Je crois que vous aviez un deuxième exemple. Excusez-moi. Oui, le deuxième exemple... Paul Robert. On pourrait naturellement citer des quantités d'autres. Mais le seul dictionnaire de médecine de notre ami Manuela, en 4 volumes, contient, si je ne me trompe, 150 000 entrées. Or, j'ai rappelé que le Petit Robert n'avait que 54 000 entrées, et le Grand Robert, 100 000 termes en gros. Donc, avant tout, il y a le choix, et le choix des entrées, naturellement, est fonction du but que l'on s'est fixé à l'origine, c'est la fréquence, avant tout, du langage courant, en laissant, bien entendu, aux dictionnaires spécialisés le soin de donner plus d'explications en tel ou tel domaine, en telle ou telle matière. Bernard Petit. Vous parlez de fréquence, c'est un concept qui intéresse beaucoup le linguiste, parce que vous savez que la recherche est cyclique. À un moment, on s'intéressait à l'aspect qualitatif, ensuite, il y a une vogue et une mode quantitative, et on s'est dit, on va trouver vraiment tout ce qui est fondamental à partir de critères de fréquence. Et alors, plusieurs enquêtes ont eu lieu dans différents milieux pour essayer d'établir la liste des mots par ordre, donc décroissant de fréquence. Mais on s'est vite aperçu que, pour des raisons diverses, liées à la nature de l'enquête, liées à un phénomène beaucoup plus subtil qui est l'apparition du mot avec la chose, qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une régularité entre l'apparition de la chose et du mot, eh bien, il était difficile de s'en tenir à ce critère de fréquence. Et il a fallu créer d'autres types d'enquêtes qui viennent compléter cette liste. En fait, il y a des mots qui sont intéressants ou qu'il faut absolument savoir, même s'ils ne sont pas très fréquents. Et pour un quantitatif ou un statisticien, c'est un peu gênant, car il est beaucoup plus rassurant de mettre des mots dans une machine et de regarder à la fin combien d'apparitions on a. Et c'est là peut-être qu'il y a une sorte d'indice à mettre à côté d'un mot. Paul Robert. Il est exact que nous n'avons pas recherché dans le dictionnaire Robert, je parle en ce moment du Grand Robert, nous n'avons pas recherché systématiquement la fréquence. Mais elle nous était donnée tout de même par la quantité de nos dépouillements. Lorsque nous arrivions à avoir 2000 citations sur un mot, ou 5000, alors que nous n'en avions qu'une centaine par ailleurs, nous avions là un certain indice de fréquence. Bernard Petier. Vous voyez, si je prends un exemple justement, j'ai regardé des mots pour lesquels vous n'aviez pas de citation et j'ai comparé au trésor de la langue française où on doit théoriquement trouver une quantité invraisemblable de citations. J'ai pris le mot abricotier. Tous mes exemples seront en aoubé puisque le trésor en est là. Eh bien, vous n'avez pas d'exemple et le TLF a des exemples qui ne servent à peu près à rien. C'est un mot qui ne s'apprête pas beaucoup à l'exemple. Il doit être très difficile à trouver un exemple, disons, intéressant d'abricotier. Le TLF, pour abricotier, cite deux fois le mot dans des énumérations d'arbres, donc intérêt absolument nul, et une fois dans un contexte technique de la culture. Cependant, abricotier est un mot banal, je dirais, comme oui. Pommier, poirier, on mange autant d'abricots que d'autres choses. Eh bien, ce n'est pas rentable comme mot. Si jamais on trouvait un exemple intéressant d'un écrivain, ou, il serait vraiment à signaler, à retenir, mais ça se produit également dans le domaine grammatical. Il y a des mots qu'il est bien difficile d'exemplifier. Et j'ai regardé pour la préposition « à ». Les exemples intéressants de « à », on trouve dans le trésor un exemple comme ceci. « Elle te dit tout ce que doit dire une mère à une fille chérie ». Bon, bah ça, dire quelque chose à quelqu'un, je n'avais pas besoin d'une citation. Et on met Balzac, etc., l'édition de 1821, page 115. Alors là, je me dis, voyons, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher Balzac pour uniquement trouver une construction de dire quelque chose à quelqu'un ? Oui, cette fameuse préposition « à » m'avait donné bien du fil à retordre, car c'était le premier mot du dictionnaire et m'a conduit à avoir pour collaborateur un grammairien que vous avez bien connu, Robert Lebidois, qui m'avait attaqué sur cette préposition « à ». Et je lui ai dit « mais venez donc vous asseoir parmi nous et nous essaierons d'éviter ainsi le retour de difficultés grammaticales ». Pour l'abricotier, je dirais en anecdote que j'ai commis un petit péché d'orgueil, car si l'abricotier ne contient pas de citation dans le Robert, en revanche, vous trouvez des citations sur le mot « agrume », vous en trouvez sur le citron et le citronnier, sur l'orange et l'oranger, pour une raison bien simple, c'est que j'avais fait une thèse de doctorat en droit, précisément sur les agrumes. Mais vous dites que le premier mot du Robert, c'est « ah ». Moi, je croyais que c'était le mot « femme ». Ah, celui-là est peut-être le plus important. Ah. Oui. J'étais le rédacteur, et je m'en félicite, de l'article « femme ». Et pour essayer d'être tout à fait objectif, j'ai confié la rédaction de l'article « homme » à une personne du sexe féminin qui est présente parmi nous. Et elle a fait, savez-vous, un article deux fois plus important que l'article « femme ». Mais ça veut dire que l'homme est deux fois plus important que la femme. Voilà, mais en fait, il était normal que l'article « homme » soit deux fois plus long, car il y a l'homme être humain et l'homme viril. Du dictionnaire François Richelet contenant l'explication des mots, plusieurs remarques sur la langue française, ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes, avec les termes les plus connus des arts et des sciences, le tout tiré de l'usage et des bons auteurs de la langue française. Homme, substantif masculin. L'homme est un composé d'un corps et d'une âme raisonnable. Femme, substantif féminin, prononcé femme, créature raisonnable, faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. Bernard Potier. Tout à l'heure, je vous ai parlé du poisson. Est-ce que je peux vous parler du chat et du chien? Mais bien Car sûr. Ça, c'est un, j'allais dire, un de mes vieux dadas sans jouer du tout sur les mots. Je donne souvent à mes étudiants comme exemple, essayez d'opposer chat et chien d'un point de vue sémantique, en analyse sémique. Analyse sémique, c'est un mot barbare, pour dire simplement quels sont les traits sémantiques qui distinguent un chien d'un chat. Ce n'est pas facile. Alors, je me suis dit, peut-être que les lexicographes ont résolu ce problème. Je dois dire que là, le Robert, je dirais, est légèrement déficient. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être brûler ces deux mots-là. Pour l'instant, je n'en suis qu'à deux. Rappelez-moi la définition. Alors, le chat, qu'est-ce que c'est pour le grand Robert? C'est un mammifère carnivore digitigrade. Bon. Mm-hmm. Le chien, c'est un mammifère carnivore digitigrade. Point. J'ai bien, point. Appelez aussi l'un canis, l'autre, etc. Enfin, bon, mais enfin, c'est tout. Alors, celui qui consulte le dictionnaire, là, n'est pas très renseigné, car il n'y a rien qui ressemble plus à un chat qu'à un chien dans le Robert. Alors, je me suis dit, on va voir les autres. Alors, un grand ouvrage en plusieurs volumes dit « Le chat ». Alors là, ça devient amusant, d'ailleurs, parce que tous les lexicographes se sont posés un problème. C'est une vraie difficulté. « Animal domestique adapté à chasser de nuit diverses proies, notamment la souris ». Bon, voilà, le chat qualifié par la souris. « Quant au chien, genre de mammifère de l'ordre des carnivores de la famille des canidés. » Pauvre. Oui, donc le chien ne fait rien, il ne chasse rien. C'est ça. Et le chat, heureusement, il y a les souris. Dans l'autre dictionnaire usuel, il y a chat, petit animal domestique, dont il existe aussi plusieurs espèces sauvages. Cette fois, le chat est qualifié par la sauvagerie de ses congénères. Quant au chien, animal domestique, dont il existe de nombreuses races, ayant diverses aptitudes. Ce n'est pas trop se mouiller. Oui. Ce sont cependant les dictionnaires, disons, les plus courants à côté du Robert. Alors, le linguiste, là, se dit, mais pourquoi est-il si difficile de différencier un chat d'un chien alors que quotidiennement, il n'y a aucune confusion? Et voilà une grande différence entre un référent palpable, visible, tout ce que l'on veut, l'un miaule, l'autre aboie, ça n'apparaît même pas dans les définitions, ça serait un moyen détourné quand même, enfin, syntagmatique, combinatoire, de montrer que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si le chien a des moustaches, peut-être pas. Il y a peut-être quand même des petites choses à dire, mais ce n'est pas aisé. Oui, si vous me permettez de vous interrompre là. Paul Robert. Il y a deux questions. Il y a la définition liminaire, et puis il y a l'article tout entier. Naturellement, la difficulté est grande de donner une définition liminaire. Mais lorsque vous avez parcouru un article tout entier, et particulièrement, je pense, dans le Robert en général, grâce au système de l'analogie, il est évident que nous avons, par exemple, cri du chat miauler, cri du chien aboyer, et puis les citations que nous nous sommes efforcés de trouver dans le domaine, disons, scientifique, car après tout, le chat et le chien relèvent de la zoologie. Oh, ça, je ne serais pas tout à fait d'accord. Sauf sur 50 dans millions aspects. De Français, il y en a bien 49 500 000 qui pensent que le chat et le chien n'appartiennent pas à la zoologie. Alors, le dictionnaire, à ce moment-là, est fait pour qui? Moi, je ne crois pas aux canidés, à tout ça, aux acantiniens et tous ces mots barbares. Ça, je n'y crois pas. Je verrai ça dans une note. Mais je pense que d'abord, dans le dictionnaire, on doit trouver ce qui correspond à l'ambiance générale, quotidienne, normale, disons, pour aller vers une indication spéciale ensuite. Ça, c'est un petit reproche que je vous ferai. Je vous avouerai, je vais vous faire une confession, c'est que je partageais un peu votre point de vue au départ. Et parmi mes premiers collaborateurs, l'un d'eux était un passionné de zoologie. Et adorait les classifications, les classements. Et après la constitution de notre équipe, nous avons été plus ou moins les prisonniers d'un travail considérable fait par cet homme, de A jusqu'à Z. Alors, les acantiniens, les canidés, etc., toutes sortes de mots barbares figurent. Je ne les renie pas, car si j'ai accepté ces classements, c'est que, tout de même, ils sont utiles. Ils sont utiles pour bien cerner les problèmes du point de vue zoologique, etc. Oui, vous l'avez fait pour la zoologie, mais vous ne l'avez pas fait pour, par exemple, la chimie. Je n'ai pas regardé la définition de l'eau, mais ça m'étonnerait que la définition d'eau commence par mélange d'hydrogène et d'oxygène dans la proportion de. Je ne pense pas. J'ai regardé celle du vin, par contre. Et à propos d'une thèse qui a été soutenue il n'y a pas tellement longtemps par un lexicologue, lexicographe, et qui se posait des problèmes d'analyse sémique, justement. Il suggérait des définitions du type le vin, des définitions très pédagogiques pour les enfants. C'est un peu comme l'eau, mais ça a les particularités suivantes. C'est-à-dire de passer à une classe un peu plus générale, un peu plus accessible aux enfants. Et en fait... votre définition, d'ailleurs, du vin est, me semble très correcte. Liquide produit par la fermentation de raisin, mais il n'y a aucune formule chimique, on ne sait pas. Il n'y a pas la formule de l'alcool, etc. Et je crois que ceci est préférable. Alors, vous avez donné, peut-être, à la zoologie, à la botanique, un statut un peu privilégié, un peu savant, qui peut-être n'est pas très homogène par rapport à d'autres domaines qui pourraient s'analyser également en termes techniques. Là, vous soulevez un problème qui est très intéressant au sujet de la préparation d'un dictionnaire et de son élaboration. Et c'est précisément d'arriver à maintenir un équilibre entre les différentes matières qui sont traitées. Et j'ai eu à me battre, notamment dans le domaine des sciences naturelles, car si j'avais conservé les articles de ce spécialiste, la moitié du Robert en 6 volumes y serait passée. Et nous avons quand même été victimes là un peu d'un excès de spécialisation de la part de l'un de nos collaborateurs. Mais je vous assure qu'il a fallu beaucoup de travail pour réduire la place des sciences naturelles. Et peut-être aussi, j'ajouterai quelque chose, il y a naturellement diverses sortes de dictionnaires. Il y a le dictionnaire de langue dont nous parlons en ce moment, et puis il y a les dictionnaires encyclopédiques. Par exemple, les formules chimiques que vous vous félicitez de ne pas trouver dans le Robert doivent se trouver nécessairement dans un dictionnaire encyclopédique, bien sûr. Il faut d'abord savoir ce qu'est un dictionnaire. Il y en a de 36 sortes. Aujourd'hui, il en foisonne de toutes parts. Des dictionnaires de cuisine aux dictionnaires de tous les arts, etc. Oui, là, on joue peut-être un peu sur les mots. Alors, nous en restons au domaine de la langue française. La définition, d'ailleurs, que je crois que vous donnez de dictionnaire, c'est un recueil de mots d'une langue classée alphabétiquement, quelque chose comme ça, autant que je m'en souvienne. Ça, je crois que c'est l'essentiel de ce type d'entreprise. Ensuite, on appelle dictionnaire, ma foi, une liste de concepts qui peut se rapporter à un peu tout. Le dictionnaire des noms propres en particulier, qui est intéressant parce que, pour le linguiste, nom commun et nom propre, ce sont, ma foi, les deux faces, enfin, possibles de type de signe, enfin, tout, mettons, tout substantif ne peut être que nom commun ou nom propre. D'ailleurs, dans un partage qui n'est pas du tout net. Absolument. Absolument. Si bien que le dictionnaire nom propre est un dictionnaire. Et il pose des problèmes, en général, très intéressants pour le linguiste aussi. Parce que ce qui peut-être est le plus sensible pour les sujets parlants, c'est que lorsqu'il entend pour la première fois un nom commun, il éprouve une sensation d'ignorance, peut-être de gêne, en se disant « voilà un mot que je ne connaissais pas, tiens, je vais l'apprendre ». Par contre, il est totalement réceptif et indifférent au nom propre. On vous présente quelqu'un, on vous dit « voilà monsieur... » mettons, Dufarnet, j'ai jamais entendu ça. Bon, ben, il s'appelle Monsieur Dufarnet, je ne me pose aucun problème. Par contre, si, ah, ce matin, j'ai acheté un Dufarnet au marché, vous direz, il a acheté un Dufarnet au marché, ça devient un drame. Donc, la conséquence pour un lexique, je reviens pour le dictionnaire, c'est que dans un dictionnaire de nom propre, on sait qu'il est totalement arbitraire. Là, il n'y a plus de fréquence. Qu'est-ce que serait un dictionnaire de fréquence des noms propres? Ça n'a pas de sens, la fréquence des noms propres. C'est une chose qui varie d'un jour à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une famille à l'autre, si bien que vous êtes obligé, là, de vous laisser guider par, disons, une certaine notoriété, probablement, très intuitive. Mais je pense, à moins que vous ayez eu d'autres critères, qu'il n'est pas facile de savoir comment retenir ou non un nom propre pour un dictionnaire. Ce sont des critères, je pense, tout à fait différents de ceux valables pour un... Pour la langue, certainement. Du même dictionnaire François Richelet, contenant l'explication des mots, plusieurs remarques sur la langue françoise, ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes, avec les termes les plus connus des arts et des sciences, le tout tiré de l'usage et des bons auteurs de la langue françoise. Chat. Substantif masculin. Animal très connu, qui est ordinairement gris ou noir. Gris et blanc, ou noir et blanc, qui a les yeux étincelants, qui est fin, qui vit de souris et de toutes sortes de chair, qui hait les rats, les souris, les chiens, les aigles, les serpents et l'herbe qu'on appelle la rue. Sa cervelle trouble l'esprit. Chien. Substantif masculin. Animal fort connu, qui est fidèle, reconnaissant, docile, propre à diverses choses, qui est en amour environ 14 jours, qui naît aveugle, qui vit 10 ou 12 ans et qui a de l'aversion pour les crocodiles et pour les loups. Paul Robert, je reviens à la définition du terme dictionnaire. Je ne pense pas que nous ayons parlé de mots rangés dans l'ordre alphabétique, car en fait, les premiers dictionnaires que nous connaissions n'étaient pas dans l'ordre alphabétique. Vous savez que, par exemple, le dictionnaire de l'Académie française, pour ne remonter qu'à 1694, si ma mémoire est bonne, eh bien, n'était pas dans l'ordre alphabétique, c'était par radicaux, par racines. J'avais été critiqué un jour par l'éminent professeur Charles Bruno, qui pensait que le fait d'avoir appelé mon dictionnaire le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, il considérait que dire alphabétique était un pléonasme. Alors, voyez, la réponse était facile à faire. Oui. En fait, comme vous le savez très bien, mon dictionnaire est analogique en même temps qu'alphabétique. Et c'est donc là aussi deux sortes de dictionnaires. Le dictionnaire analogique ayant pour objectif précisément d'enrichir le vocabulaire en partant des mots les plus simples pour arriver aux mots les plus compliqués et d'aller du connu à l'inconnu. Bernard Potier. Alors, je m'étais posé, avec un point de départ différent, la question suivante. Est-ce que lorsqu'un mot français est un dérivé encore vivant, enfin évident, d'un simple, la définition va refléter cette continuité? Alors, j'ai pensé au mot « oreiller ». Eh bien, j'ai été presque heureux de ne pas trouver le mot « oreille » dans la définition d'oreiller, car ça aurait été une définition un peu trop savante, historique, diachronique. En fait, les dictionnaires parlent de la tête, car il est certain que l'oreiller, c'est là où on met sa tête. Ce n'est pas forcément l'oreille. À l'origine, on avait cela, ça a disparu. De même, le traversin, je n'ai pas trouvé le mot « en travers ». Mais j'ai trouvé, dans la plupart des dictionnaires, que ce gros coussin occupait toute la largeur du lit. Donc, le travers est devenu la largeur, etc. Naturellement, on n'aurait pas pu en faire autant pour « drap », qui est un mot absolument non motivé. Mais, est-ce qu'il ne faut pas, à ce moment-là, dans cette réflexion analogique, qui est d'abord un peu parasynonymique au premier stade, allait jusqu'à reconstituer, ma foi, un objet banal qui est le lit tout fait, ou bien qui est une voiture automobile, qui est un avion, qui est une salle de spectacle, etc. C'est-à-dire donner à l'analogie un sens un petit peu plus étendu, un peu vers l'association, mais une association qui corresponde toujours à quelque chose qui, dans l'expérience, se présente conjointement. Pour moi, ça, c'est le critère qui importe. Mais est-ce que les personnes qui ont rédigé oreiller, traversin, couverture, drap, édredon, etc., étaient les mêmes? Ou bien est-ce que ça a été le hasard de l'alphabet? Paul Robert. Vous avez posé de très nombreuses questions. D'abord, l'analogie, à mes yeux, commence par l'étymologie. Vous avez, par l'origine du mot, déjà une analogie entre oreiller et oreille. Vous allez le découvrir certainement dans l'étymologie. Ensuite, dans le même domaine, vous avez les dérivés, les composés, qui ont une association d'idées tout à fait naturelle avec le mot « traité ». Vous avez les synonymes et les antonymes, naturellement. Mais là où nous avons été, mes collaborateurs et moi-même, les plus fiers d'un article, c'est lorsque nous avions l'impression d'avoir enveloppé le mot avec toutes ses relations possibles. Par exemple, l'automne m'a donné cette sensation de plénitude. Parce que, en consultant quelques centaines de citations, on voyait sans cesse revenir les mêmes idées qui se rattachent à l'automne, notamment au figuré, le vieillissement, les feuilles d'automne, la couleur. Toute la partie connotative. Etc. Voilà. Oui, était là. Et alors, ce que j'appellerais aussi les associations syntaxiques. C'est-à-dire les adjectifs qui se collent tout naturellement aux substantifs, les verbes que l'on emploie avec un substantif et inversement. C'est ainsi que dans toute langue, d'ailleurs, pas seulement en français, je constate que ce sont toujours les mêmes adjectifs qui reviennent pour qualifier les noms et ce sont toujours les mêmes verbes actifs ou passifs, qui s'adjoignent de telle sorte qu'il y a des clichés en définitive. C'est ça. Voilà. Et l'art du lexicographe est précisément de rechercher le cliché du langage, quitte au poète précisément à sortir du cliché pour inventer autre chose. C'est presque de l'écologie lexicale, en fin de compte, de chercher à mettre le mot dans son milieu. Alors qu'au contraire, le créateur essaie de couper cette prévision en trouvant une combinatoire plus originale. Ça. Je vous interromps une seconde pour vous donner un exemple, une attention, au sens d'écouter avec attention, n'est-ce pas? L'adjectif soutenu, une attention soutenue, voilà un adjectif courant. Lorsque un Mauriac, je crois, parle d'une attention goulue, à ce moment-là, il est poète, il invente. Et le lexicographe, quand il est un peu poète, peut retenir la citation d'un Mauriac pour montrer quand même qu'on peut sortir de cette espèce de carcan du lieu commun est inventé. En fait, il faut retenir les deux parce que les deux sont vrais. Exactement. C'est ça. Et c'est dans la mesure, justement, où il y a cliché que l'autre expression prend de la valeur. Alors là, je comparerai mes collaborateurs à des entomologistes. C'est-à-dire, au fond, on découvre, l'entomologiste découvre un insecte, il l'examine. Et nous nous sommes efforcés, précisément, de prendre les mots comme des choses inconnues au départ. Et nous apprenions ce que le mot voulait dire, vraiment, en lisant, et ça a été de plus en plus notre habitude, à mesure que nous avancions vers la lettre Z, de prendre connaissance du mot au travers des citations, au travers de la description des contextes donnés par les écrivains scientifiques ou littéraires. En fait, c'est tout de même une langue fortement littéraire, celle que vous avez retenue, parce que les citations sont toutes, je pense, empruntées à la littérature. Pas uniquement. Est-ce qu'il y en a, je ne me souviens plus très bien, qui sont empruntés, disons, à la presse, à des ouvrages de vulgarisation? Je vous donnerai pour exemple la belle collection des, que sais-je, des presses universitaires. Nous les avons dépouillées, pour ainsi dire, tout ce qui existait. En fait, il faut tenir compte des citations, mais je crois qu'un dictionnaire serait pauvre s'il voulait seulement tirer des citations l'information sémantique. En fait, vous y ajoutez beaucoup. La citation, c'est plutôt un garde-fou. Et en même temps, elle est intéressante pour tout ce qui est le halo sémantique, la connotation, l'association, l'exploitation, disons, du mot. Mais il se peut très bien que le noyau du mot n'apparaisse pas, vous ne reteniez pas de citation à son propos, et ça se justifie. Enfin, l'emploi le plus banal d'un mot ne demande peut-être pas un exemple signé d'un grand auteur. Dialogue. Latin dialogus, grec dialogos, racine logos. Premièrement. Entretien entre deux personnes, voire colloque, conversation, tête à tête. Dialogue vif, animé. Les deux interlocuteurs ont eu un long dialogue. Deuxièmement, ensemble des paroles qu'échangent les personnages d'une pièce de théâtre, d'un film, d'un récit. Manière dont l'auteur fait parler ses personnages. Ce dialogue manque de vérité. Platon n'écrit pas en vers et joue de la plus souple des formes d'expression qui est le dialogue. Valérie. Dialogue de film. Troisièmement, ouvrage littéraire en forme de conversation, voire dialogique. Dialogue des morts de Lucien, de Fénelon, de Fontenelle. Antonyme, monologue. Bernard Potier. Bon, en fait, si on ne brûle pas tout le dictionnaire, vous voyez, est-ce que... Si vous aviez à refaire le Robert, vous ne pourriez pas tenter de donner à rédiger à une même personne un ensemble sémantique, un réseau sémantique, disons, même si les lettres sont très dispersées, j'entends bon et mauvais, ou petit et grand, ou jeune et vieux, et un peu plus que cela naturellement, enfin les adjectifs de dimension, les adjectifs d'âge. Parce que c'est peut-être là que l'analyse sémique, qui est une analyse extrêmement idéale du linguiste, pourrait s'appliquer. Je sais qu'il y a quelques thèses en préparation dans ce domaine aussi, qui tentent de faire une analyse sémantique assez fine. En fait, je crois que lorsque vous opposez, par exemple, cassé et brisé, qui est le cas privilégié de ce genre de choses, quand on regarde vos définitions... Pratiquement, il y a une petite différence, mais on n'est pas sûr que c'est celle que vraiment vous avez voulu mettre. C'est peut-être là que je vous pose la question. Par exemple, pour casser, il y a mettre quelque chose en morceaux sous l'action d'un choc, d'une pression, d'un coup. Bien. Je regarde briser. Mettre en pièces, synonyme de en morceaux, je pense que ce n'est pas voulu, la différence entre mettre en pièces et mettre en morceaux, par un choc, la même chose. Un coup violent, mais la pression disparaît. Alors, l'exigence du linguiste serait celle-ci, mais c'est une exigence, enfin, telle qu'il n'y aura jamais de lexicographe pour la réaliser, parce que c'est pratiquement impossible. Mais enfin, au moins sur le plan théorique, est-ce que, si un rédacteur a à rédiger brisé et cassé, il ne pourrait pas s'astreindre à conserver la partie de la définition commune pour ce qu'il sent de commun, et... disons, un peu mettre en relief ce qui serait propre à casser et propre à briser. Ce n'est pas facile. Mais, puisque vos deux définitions se distingue par un ou deux mots, hein, pression d'en casser, absence d'en briser, violent d'en briser n'est pas d'en casser. Est-ce que veut dire que casser, c'est moins violent que briser, par exemple? Si je vous posais la question, il serait vraiment difficile de répondre. En fait, nous retournions sans arrêt vers les définitions des mots synonymes. Vous savez qu'il est extrêmement difficile de donner des définitions extrêmement précises. Voici un exemple. Dans le dictionnaire de l'Académie française, vous trouvez injure, outrage, offense, insulte. Ces quatre mots ont exactement la même définition. Nous avons essayé de donner des définitions telles que les mots soient vraiment individualisés et que l'on puisse sentir les nuances qui séparent un mot d'un autre, ce qui n'est pas toujours très facile à faire. Alors, là donc, quel que soit le rédacteur d'un article, il avait pour mission d'aller voir précisément quelle était la définition des synonymes pour essayer de donner une définition propre à chaque mot. Mais il faudrait conclure peut-être... En ce qui me concerne, j'ai peur que ma conclusion soit que s'il faut brûler les dictionnaires, il faut peut-être brûler aussi les linguistes. Parce que de toute façon, nous nous attaquons au langage et à des langues qui, par nature, ne sont pas définissables, ne sont pas cernables dans leur totalité. Il y a toujours un reste. À l'heure actuelle, en linguistique générale, on fait de belles théories de structure, en syntaxe, en sémantique, mais on sait très bien que pour arriver à quelque chose d'harmonieux, on est obligé de purifier énormément ce qui, je ne dirais pas, est impur, mais est complexe, est au contour indéfini. La question la plus bête, et je crois que personne ne peut répondre, combien connaissez-vous de mots de la langue française, Monsieur Robert? Certainement beaucoup moins que ceux qui se trouvent dans nos dictionnaires. Et de toute façon, vous ne me donnerez jamais un chiffre. Ah si, vôtre. Ah, le mien, certainement non. Pas. Aucune personne n'est ceci, c'est une matière à réflexion. La mémoire est un tonneau percé. Eh oui. Et lorsqu'il m'arrive de faire des mots croisés, bien j'ai recours... Au Robert. Qui, grâce à l'analogie... me permet en général de trouver le mot oublié ou inconnu parfois. En général, les petits dictionnaires ont le tort de présenter les mots comme des entités indépendantes les unes des autres. Or, seul l'emploi réel du mot importe, et donc ses rapports avec les autres mots. En outre, le mot ne constitue pas une véritable unité, comme on le voit en examinant n'importe quelle phrase courte et banale. Dans « J'aime les petits pois », l'analyse en mots découpe maladroitement le sens. « Les petits pois » ne se résout pas en « les » plus « petits » plus « pois », mais bien en « le », article défini qui qualifie un nom, plus « petits pois », légumes, plus S de petit et de lait, signe du pluriel, qui dans cet exemple est obligatoire. Ces divers éléments de sens ne sont pas des mots et sont si bien dépendants les uns des autres qu'on ne peut pas dire en français « j'aime un petit pois », ni « j'aime les grands pois », ni « j'aime les très petits pois ». Par contre, « j'aime mieux les petits pois extra fins » est une phrase française. Cet exemple montre les relations subtiles qui unissent les mots dans la phrase. Ces relations sont décrites dans le dictionnaire au moyen des exemples et des citations, mais ce n'est pas tout. La petite phrase ci-dessus, qu'il est impossible de transformer librement, on vient de le voir, peut devenir, selon les contextes, « j'adore les petits pois », nuance de sens, « je déteste les petits pois », opposition, « j'aime les lentilles », différence quant à l'objet. On constate immédiatement que ces énoncés ont des rapports étroits. Analogie de construction, rapport de sens. Ces rapports révèlent des relations entre les éléments qui ont changé, M aimer, adore, adorer, déteste, détester, petit pois, lentille. La prise de conscience de telles relations entre les mots de la langue a bouleversé la linguistique moderne qui parle volontiers de structure. Extrait de la présentation du dictionnaire Robert par Alain Rey. Alphabet, H dans le sanglant hachis de l'espace recherché, meurtrira les J, ce qui reste du point J, J avant sa mort, voir K, une croix sur le point K, en cas la chaleur fut telle qu'elle gagna le point L, elle avait l'arme suprême. Elle en fit l'essai sur M, la trajectoire lointaine passe aussi par le point N. N a cloué au poteau, ceux du pointeau. On n'a jamais eu d'épée, il étrangle, il plaque P. Écoutons maintenant ce que pensent les spectateurs du studio 105 qui dialoguent maintenant avec Paul Robert et Bernard Potier. Madame. J'espère naturellement qu'on ne brûle pas le dictionnaire, parce que moi, sans le Robert, j'avoue que je serais un petit peu amputée. Mais cela dit, est-ce que la question n'est pas, plutôt que savoir s'il faut brûler les dictionnaires, savoir s'il ne faut pas les rédiger autrement? Et en disant cela, je me pose la question suivante. Pour qui les dictionnaires sont-ils rédigés? Et j'ai l'impression que la façon de les rédiger dépend du but que l'on veut atteindre. Parce qu'on ne peut pas écrire des définitions sur les mots de la même façon suivant les personnes à qui on s'adresse et l'usage que l'on veut en faire. Et je prends par exemple ce que vous avez dit, les articles se rapportant à chien, chat, etc., qui étaient faits par un spécialiste. Et je crois que la partie la plus délicate dans la rédaction d'un dictionnaire consiste dans le choix des collaborateurs. Et le choix des collaborateurs, il me semble, est conditionné par le genre de dictionnaire que l'on veut faire. Si on veut faire un dictionnaire destiné à des personnes s'occupant de zoologie, je comprends que l'on s'adresse à des spécialistes de la branche pour rédiger les différents articles. Mais si tel n'est pas le cas, je me demande s'il ne serait pas plus adéquat de faire un autre choix de collaborateur. Ça, c'est une question. Oui, la première réponse, c'est que nous nous adressons à des publics différents. S'il s'agit du grand Robert d'une part, du petit Robert ou du micro Robert, il est certain que le micro Robert ayant été préparé en vue de servir les jeunes élèves et les étrangers qui apprennent notre langue, nous ne rédigeons pas le micro-Robert comme nous avons rédigé le grand-Robert, par exemple. Et là, effectivement, le choix des collaborateurs peut être différent selon que vous avez affaire à un grand dictionnaire ou à un petit. Il se trouve que l'équipe qui a préparé à mes côtés le grand Robert se retrouve intacte dans ses principaux collaborateurs. Donc, ils ont été les mêmes concernant les dictionnaires de langue française. En revanche, pour le dictionnaire universel des noms propres, nous avons dû naturellement faire appel à un plus grand nombre de spécialistes, car on ne peut pas tout connaître dans le domaine si vaste de l'histoire, de la géographie, des civilisations et des noms propres des grands hommes. Mais alors, monsieur, si vous avez la même équipe de collaborateurs pour un petit dictionnaire et pour un grand dictionnaire, je pense que vous connaissez ce problème. Quand vous demandez à un spécialiste, par exemple dans l'enseignement, de réduire, quand on veut réduire des heures, le programme de certains spécialistes, avez-vous jamais vu un spécialiste pouvoir amputer une partie de son programme? C'est pas possible. Oui, c'est un problème que j'ai évoqué justement tout à l'heure. C'est-à-dire que les spécialistes représentent parfois un danger pour le lexicographe. Exactement. Car il a tendance à croire que tout est nécessaire. Que tout est nécessaire, que la zoologie doit par exemple, comme je le disais tout à l'heure, représenter la moitié du dictionnaire, par exemple. Alors, je me demande, monsieur, si, pour contrebalancer cet effet de spécialiste, est-ce qu'il y a, après la rédaction de ces articles par des spécialistes, y a-t-il un panel de lecteurs chargé de, comment dirais-je, de modérer cette propension à la spécialisation? Eh bien, je dirais que c'est presque l'inverse que nous avons fait. C'est-à-dire que les articles, pour la plupart, ont été rédigés par des non-spécialistes, ou du moins qui laissaient leur spécialité de côté. Bien sûr, j'étais juriste, j'avais fait des études d'économie politique, donc les articles qui avaient trait au droit et à l'économie politique venaient tout naturellement sous ma rédaction. De même que M. Alain Rey, mon principal collaborateur, avait des lumières sur les sciences que je n'avais pas. Sa femme, Mme Rey, était déjà une grammairienne. Mais malgré tout, nous surmontions nos spécialités et ensuite nous soumettions nos articles rédigés ainsi à des réviseurs qui, eux, étaient des spécialistes grammairiens, chimistes, physiciens, etc., etc. Mais à aucun moment ne se trouvait, un panel représentatif des gens qui vont utiliser le dictionnaire. Par exemple, je prends l'histoire de chat et de chien. Bon, si c'était des personnes le français moyen, enfin des gens plus ou moins cultivés et qui servaient de test de lecteurs, ben, peut-être aurait-il justement eu cette réaction, mais qu'est-ce qui différencie en définitive le chat du chien ? Et un tas de remarques de ce genre, des gens avec l'esprit critique, non spécialistes, mais lisant ces articles et posant des questions, tout simplement. Oui, en fait, une équipe composée d'une quinzaine de personnes en permanence constituait souvent le test recherché. Monsieur, vous avez le micro, nous vous écoutons. J'ai une question qui concerne une autre lecture de la question fondamentale du débat, faut-il brûler les dictionnaires, qui est peut-être une lecture moins technique, disons plus sociale, sur la fonction du dictionnaire. Je voudrais demander quelle conscience les deux orateurs ont de la fonction latente du dictionnaire, et en ce sens, la question du débat « faut-il brûler des dictionnaires ?» prend une nouvelle dimension, à savoir, a-t-on le droit d'enfermer les mots dans certaines définitions qui vont s'imposer à tout un public et qui vont donc recevoir une certaine signification pour une période de temps donnée? Si vous voulez, la critique que l'on pourrait faire à la présentation qui nous a été faite de l'élaboration des dictionnaires, c'est que l'élaboration d'un dictionnaire, c'est en quelque sorte la collecte, le recueil des informations que l'opinion a d'un ensemble de mots à un moment donné. Et on nous a pas donné l'autre aspect du problème, c'est que le dictionnaire est lui-même émetteur et qu'il impose un certain nombre de significations à toute une masse de gens pendant une période déterminée. Alors je voudrais savoir l'opinion des deux débatteurs sur cette question. Oui, il y a du pour et du contre. Aucun dictionnaire vraiment ne peut être considéré comme un juge de paix. Théoriquement, le dictionnaire de l'Académie française devrait être considéré comme un véritable juge de paix. En fait, il est très critiquable et critiqué. Donc je ne pense pas qu'un dictionnaire, quel que soit son renom, puisse imposer ses façons de voir à tout un peuple. Il est certain que Littré, en son temps, a fait autorité, que le renom de certains autres dictionnaires importe sans doute, Mais il y a malgré tout les critiques qui sont faciles à faire, comme le disait Bernard Potier tout à l'heure. Il est certain que les dictionnaires sont plus facilement critiquables, disait-il, que les grammaires, qui elles-mêmes sont critiquables parfois. Cette question est intéressante du rôle social, disons, du dictionnaire. En fait, si un lexicographe ne donnait pas de définition, n'écrivait pas de définition, qui est une sorte d'imposition à la société, c'est vrai, il se limiterait à donner une collection d'exemples, éventuellement. C'est-à-dire, on irait un peu à la pêche à l'exemple dans une banque de données, et on voudrait savoir, à l'heure actuelle, mettons, en 1976, que signifie tel mot en ayant à la sortie de l'ordinateur une liste de 285 exemples. Ça veut dire que le lecteur, à ce moment-là, se croirait libre de construire, de se construire une définition à partir de ces 284 exemples. Je crois qu'il serait perdu, car à ce moment-là, l'abondance, l'excès de documentation ne serait pas maîtrisé par le lecteur, à moins qu'il soit linguiste et qu'il y passe des jours et des nuits. Alors, je crois que le dictionnaire est peut-être un pis-aller, c'est peut-être, comme on dit quelquefois, je ne sais pas, un organe du pouvoir ou tout ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, mais de toute façon, le dictionnaire a une vertu normative qui lui est constitutive. Ça, je le crois. On ne peut pas y échapper. L'essentiel, c'est qu'il soit ouvert, honnête dans le sens ouvert, et qu'il dise ce qu'il a trouvé, mais en l'élaborant. On ne peut pas ne pas élaborer. Nous passons à une autre question. Monsieur. Si j'avais devant moi Gustave Eiffel, je lui aurais demandé « Comment avez-vous construit votre tour ?» Puisque j'ai devant moi Paul Robert, je lui demande « Comment avez-vous construit votre monument ?» Et en particulier, « Comment avez-vous procédé à la collecte des citations ?» Vous parliez du mot « automne ». Où avez-vous été chercher les citations? Je parle du mot automne, mais il en va bien sûr de même pour tous les autres mots. Mm-hmm. Comment avez-vous dépouillé? C'est un immense travail. Et quelle est la part du déchet? Eh bien, nous avons cité un peu plus d'un millier d'auteurs, y compris, comme je le disais tout à l'heure, des scientifiques, mais naturellement, puisqu'il s'agit de langue française, ce sont surtout des écrivains, romanciers, poètes, dont nous avons fait un choix préalable et sans cesse amplifié. Je rappelais à M. Bernard Potier tout à l'heure, qu'ayant été mon collaborateur durant l'année 1956, nous avait incité à lire et à citer Françoise Sagan, ce qui était une certaine audace à l'époque, car elle n'avait guère qu'une vingtaine d'années, donc choix d'abord des auteurs, choix d'un certain nombre de leurs ouvrages, quelquefois leurs œuvres complètes, ensuite des lecteurs. Et quand je dis lecteur, c'était aussi bien moi-même que mes collaborateurs immédiats, et puis des lecteurs extérieurs. Il serait difficile de vous en donner le nombre, mais certainement nous avons été plusieurs dizaines de personnes à lire et dépouiller, en soulignant, en extrayant des passages. Et c'est ainsi que nous avons pu obtenir environ 5 millions de citations. Et votre dernière question était, quel était le déchet? Eh bien, là, la réponse n'est pas facile à faire, parce que nous avons cité dans le texte de nos articles environ 120 000 citations, mais nous nous sommes servis de l'ensemble des citations pour précisément dégager ces associations d'idées dont nous parlions tout à l'heure. Alors, nous n'avons donné complètement que 12 citations sur 500, vous voyez. Le déchet paraît donc très important, mais en fait, les citations même abandonnées nous apportaient malgré tout de la matière intéressante. Est-ce que Bernard Potier aurait quelques remarques à faire sur cette méthode d'élaboration ? J'ai vu ce qui se passait autre part, en particulier au centre de Nancy, qui a des moyens 100 fois ou 1000 fois plus importants que ce qu'avait l'entreprise Robert quand je l'ai connue. Et ma foi, la quantité, disons, de personnes et d'argent ne résout pas les problèmes. Ça permet peut-être d'en dire un petit peu plus, d'avoir un peu plus d'informations, mais au moment de la sélection, le problème du déchet est le même. On est obligé de prendre 10%, 5% des meilleurs exemples. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon exemple ? Là, on retombe dans le choix, dans l'intuition du rédacteur. Il n'y a aucun moyen de sélectionner vraiment une citation objectivement, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, tout ce qui est linguistique, en fin de compte, est intuitif. On essaie de se rattraper à travers des méthodes qui ont l'air un peu plus élaborées, un peu plus formalisées, à travers des techniques plus raffinées, mais au fond, l'homme qui est en train de rédiger est vraiment le responsable de ses choix. Est-ce qu'une autre main se lève pour une autre question ? Monsieur. Rassurez-vous, ce n'est pas une question, c'est plutôt un compliment, parce que, comme probablement d'autres personnes dans cette salle, lorsqu'il m'arrive de temps en temps d'ouvrir un dictionnaire pour y chercher un mot, ben il m'arrive bien souvent, en cours, en feuilletant, en recherchant ce mot dans le dictionnaire, surtout quand on s'adresse au Grand Robert, par exemple, où vous offrez tout de même 150 000 entrées, de m'arrêter très souvent sur un mot ou une image ou un texte ou une citation et bien souvent de refermer le dictionnaire avant même d'avoir trouvé mon mot, mais de m'être enrichi tout de même au passage de façon tout à fait gratuite et parfois tout de même bien agréable. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Monsieur. Je reviendrai à la question qui avait été abordée par madame et qui me semblait tout à fait intéressante pour fixer les idées. Est-ce qu'il a été fait un portrait type de l'utilisateur du Robert ou des différents Roberts ? Est-ce qu'il a été défini un nombre éventuel, disons, de mots connus par l'utilisateur qui vont servir de mots définissants ? Puisque à quoi bon tenter de définir un terme, un concept, si les termes qui définissent ce concept ne sont pas eux-mêmes déjà maîtrisés ? Paul Robert ? Je pense que votre première question est l'utilisateur type, c'est-à-dire l'utilisateur moyen. En fait, c'est très difficile à dire, car les possesseurs de nos dictionnaires Robert, que ce soit le grand, le petit ou le micro, appartiennent à toutes les classes de la société française, aussi bien un professeur qu'un médecin, qu'une secrétaire de banque. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement varié sur un peu plus de 200 000 possesseurs du Grand Robert, on doit trouver toutes les classes de la société. Et naturellement, quand on passe au Petit Robert, qui a aujourd'hui à peu près 1,5 million de possesseurs, le chiffre des utilisateurs doit être beaucoup plus grand, puisque dans les familles moyennes de France, on peut compter 4 à 5 personnes qui ont l'utilisation du dictionnaire de famille. Et si j'ai bien compris votre question, L'objet du dictionnaire est de trouver non seulement le sens des mots, mais également dans nos dictionnaires, d'apprendre un vocabulaire nouveau, d'enrichir en somme son vocabulaire. Voilà l'objectif poursuivi. Votre réponse, Bernard Potier. Si je peux donner un complément à cette question. On pourrait peut-être faire une sorte de test qui serait de demander à un public quelle définition donneriez-vous, par exemple, d'un chat. Et je suis certain que sur 100 personnes, 95 commenceraient par dire « animal domestique » avant toute autre chose. C'est ce que font d'ailleurs vos collègues d'une autre maison d'édition. Et c'est le petit reproche que je vous ai à ce propos. Mais quelle idée se fait le public de mots usuels? Qu'est-ce qu'il met en avant? Par quoi commence-t-il? Et ça pourrait être utile pour opposer cette définition qu'on peut appeler naïve à une définition réfléchie, plus scientifique, et de voir un peu la différence. Cette différence serait très variable suivant les mots, d'ailleurs. Il y aurait des coïncidences très souvent, mais peut-être ça vous permettrait quelquefois de rectifier un peu le tir, et c'est peut-être dans ce sens que monsieur voulait attirer notre attention. Oui, oui. On se rapproche plus d'ailleurs de la définition naïve, comme vous venez de le dire, quand on passe d'un grand dictionnaire à un plus petit. Oui. Afin d'être mieux compris par l'enfant, l'étranger. Une toute dernière question? Non, c'est tout simplement, je voudrais revenir à ce que ce monsieur vient de dire et à la, comment dirais-je, à l'ébauche de travail que vous avez, enfin, cette façon, ce processus que vous avez mis en train. Je crois que une vue de l'extérieur est toujours profitable quand ça, parce que je sais par expérience que quand des spécialistes se mettent à parler de quelque chose, il manque toujours un regard neuf de l'extérieur. Je dirais presque un regard ignorant. D'où l'intérêt de tenir compte de la correspondance des lecteurs que nous appelons toujours à s'entretenir avec nous, à nous faire leurs critiques en vue d'améliorations futures. Une collaboration, en somme, de la masse des lecteurs au travail des lexicographes. Mais pourquoi, au moment d'élaboration, n'y a-t-il pas ce travail? Pourquoi attendre que la chose soit faite pour rectifier? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait des siècles pour faire un dictionnaire. Je ne suis pas si sûre, mais si, naturellement, vous êtes plus compétent que moi, mais je ne suis quand même pas si sûre. Vous savez, le grand Robert a demandé 18 ans et demi de travail, et si nous avions dû consulter préalablement, si nous avait fallu tenir des conférences avec des auditeurs, eh bien, nous aurions avancé à la cadence de l'Académie française, qui en est au bout de 50 années de révision, encore à la lettre D. Alors que nous trouvons à la lettre Z, zymotique, du grec zymotikos, de la fermentation. Maladie zymotique, c'est dit des maladies infectieuses inoculables. Malade va crever, mais en contaminant V, le délire trouble V, dans la fièvre et le W, jusqu'où s'étendra la Rix, mystère vers la terre X, alphabet, la panique a émigré. Dans l'état qu'on nomme Y, qui chétif cherche des aides pour assommer le grand Z. Z à son tour ne rata pas le pointard. Z à son tour ne rata pas le pointard. C'était Dialogue, une émission de Roger Pillaudin, Faut-il brûler les dictionnaires, avec Paul Robert et Bernard Potier. Première diffusion sur France Culture le 7 décembre 1976.